elle finit pas à côté. Gentil ou maman ou amour, elle est toujours pareille. Et dans mon cœur, où les mon plus grand soutien. Mon alors, pour sortir pour demain. Elle rappelle à Ouest Nina bien des années. Notre côté, ils battent la chamade pour nous causer. Et dans mon cœur, tout ça là n'a pas changé. Regarde ou même, nous y a encore qu'on les irait. Et reste la même. Mon moitié, mon chemin. Sans ou moins les rien. Même pas quand ou les loin. Et reste la même. Mon moitié, mon chemin. Sans ou moins les rien. Même pas quand ou les loin. Finir au dépoussouqué. La vie à deux n'est pas toujours facilité. Et quand même ça, on nous tient beau le bateau. Refaire un lit, ça n'a pas sur ma bon Dieu. M'imagine-nous des où quand nous sera âgé. On repense tout ça que nous la vivons sans moté. Et quand même que, où sera le plus beau bouquet. Rien quand même, qui connaît mon tourné viré. Reste la même, mon moitié, mon chemin. Sans ou moins les rien. Même pas quand ou les loin. Reste la même, mon moitié, mon chemin. Sans ou moins les rien. Même pas quand ou les loin. Yeah, love, love, oh, oh. Chaque jour qui passe, nous l'est toujours bien accosté. Les inséparables vivent pas chacun de son côté. Peut-être un jour, on aura le mauvais temps. Faut pas oublier, nous t'y ensemble, nous les rêves.